14, 20, observation. Le temps qui passe. Jour, journée. Matin, matinée. Soir, soirée. Quand Ousmane va à la Bibli le jour. Combien de temps? Il passe la journée à la Bibli. Il va à la Bibli le matin. Il passe la matinée à la Bibli. Il va à la Bibli le soir. Il passe la soirée à la Bibli. Il va à la Bibli l'après-midi. Il passe l'après-midi à la Bibli. Il va à la Bibli la nuit. Il passe la nuit à la Bibli. Il doit être gardien de nuit. Notez que le jour, le matin et le soir indiquent un moment de la journée, une heure. Mais la journée, la matinée et la soirée insistent plutôt sur la durée.